c'est par exemple la façon dont on parle du tawhid doit être adaptée à la réalité du monde dans lequel nous sommes. On ne parle pas du tawhid simplement, à moins d'en faire un code de la route technique en disant du tawhid, tu dois savoir ça, ça, ça, ça, ça, et puis c'est tout. Ça, ça va, mais ça ne fait pas vivre un cœur. Ça fait au mieux, ça cadre une intelligence, mais ça ne fait pas vivre un cœur. Ça donne des techniques, ça ne donne pas une vie, ça ne donne pas quelque chose qui soit vivant.